tête à la mer. Tu m'adhères, je fais la fête. Tu veux manger dans mon assiette. Je soulève à l'âme de guerre. À la part ta coupe des quêtes. Tu veux connaître la recette. Arrête le cinéma, on sait tout ce que tu tires en l'air. Chez Kenzo, je suis par Givenchy.